Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bid-Ammaj au Yémen, cours numéro 22. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Okay. Le yadhabun, on a dit quoi? Les marfou, wa alamatu rafihi, thubut al-noun. C'est le noun qui est à la fin. Et le waou là, yadhabun, c'est le jama'a, c'est le fa'il. Amnatu tadhabu. Donc tadhabu là, les marfou, avec une damma. At-talibatu yadhabna. Donc là, il est marfou. Cependant, il est où son signe de raf? On ne peut pas le voir, pourquoi? Parce qu'il est memni. On a dit lorsqu'un verbe il est accroché au domir nun niswa, il est memni. C'est-à-dire que le signe de son irlob n'apparaît pas. Donc en fait, il est fimahal, comme on dit. Tu vois? On ne dit pas, il est marfou, on dit fimahal, raf. Fimahali, raf. En situation de raf. Donc maintenant, les mêmes verbes qu'on vient de prendre avec le nasb. Comment on va dire? Len yadhaba. Donc len, c'est quoi? Harf nasb. Ou un affiche au stikbel, c'est-à-dire que le fiat qui vient derrière est mansoub. Donc l'en yadhaba, il est mansoub à cause de l'en. Ou alamat au nasbihi, al fatha. Le signe de son nasb, c'est la fatha. L'en yadhabu, et là-bas c'est yadhabuna. Donc là, l'en il est rentré. Donc yadhabu, il est mansoub par l'en. Et le signe de son nasb, c'est quoi? Hasse noun, on a enlevé le noun. L'en tadhaba. Pareil, mansoub, ou alamat au nasbihi, al fatha. Len tadhabna ou yadhabna. Donc là, il est quoi? Il est mebni à cause du nuniswa. Donc il est fi mahal nasb. Il est en situation de nasb. Ensuite, avec le jazm, il dit lem yadhab. Donc lem, c'est harf nafi, jazm, ou nafi, ou qalb. Donc le fi qui vient derrière, il est majzoum. Yadhab, il est majzoum à cause de lem. Ou alamatu jazmihi est sukun. Le signe de son jazm, c'est la sukun. Lem yadhabu. Donc là, il est majzoum par lem. Et le signe de son jazm, c'est hasnun, comme nasb. Ils ont même signe tous les deux. On enlève le nun. Lem tadhab. Donc là, il est majzoum pareil, et le signe de son jazm, c'est le sukun. Lem yadhabna. Donc là, yadhabna, il est memni, il est fi mahal jazm. Voyez, en situation de jazm. Ça, ça apparaît pas. Ensuite, il dit anta tadhabu. On vient au marfoua. Maintenant, c'est le mukhatab. Là, on a pris le ghaib. Maintenant, on prend le mukhatab. Anta tadhabu. Donc là, il est marfoua. Taïeb, aramatu rafi'i, dhamma. Antum tadhabuna. Marfoua. Aramatu rafi'i, thubut al-noun, le noun. Anti tadhabina. Marfoua. Wa aramatu nasbihi, ou rafi'i, thubut al-noun. Antunna tadhabna. Mabni, fi mahal, raf. Len tadhaba. Là, il est mansoub. علامه نصبه الفتحه لن تذهبوا منصوب وعلامه نصبه حذف النون ونلغى النون لن تذهبي منصوب وعلامه نصبه حذف النون لن تذهبنا مبني في محل نصب لم تذهب مجزوم علامه جزمه سكون لم تذهبوا مجزوم علامه جزمه حذف النون لم تذهبي مجزوم وعلامه جزمه حذف النون لم تذهبنا مجزوم في محل جزم من المتكلم انا اذهب مرفوع وعلامه رفعه الضمه نحن نذهب مرفوع علامه رفعه الضمه طيب لن اذهب ليل منصوب وعلامه نصبه الفتحه لن نذهب منصوب وعلامه نصبه الفتحه لم اذهب مجزوم وعلامه جزمه السكون لم نذهب مجزوم وعلامه جزمه السكون. Donc là, tu as vu les trois situations. À l'origine, dans un verbe, c'est tant qu'il n'y a pas un harf nasb qui rentre ou un harf jazm qui rentre, c'est qu'il est marfoua. Voyez, c'est l'origine. Voyez, ولم نذهب مجزوم وعلامه جزمه السكون. طيب مفهوم هذا؟ طيب فأنا أكتب هذا نقول له هنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان يوم الدين أما بعد commence par les questions du ders Hadi wa Ishrin sur le texte. فيقول السؤال الأول أين ذهب هارون وأصدقاؤه؟ ذهب هارون وأصدقاؤه إلى المطار. طيب. ثانيا لما لم يكتب علي الواجبات؟ لم يكتب علي الواجبات لأنه لم يفهم الدرس. نعم. ثالثا ما الذي لم يفهم علي؟ الذي لم يفهم علي هو الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. نعم. رابعا شرح مدرس الدرس مرة أخرى. نعم شرح المدرس الدرس مرة أخرى. طبعا tu te rappelles c'est quoi l'aime c'est quoi son nom لم ما اسمه حرف ماذا حرف نفي وقلب حرف جزم ونفي وقلب ولما لما المعنى ما اسمه لما حرف ما ادري نسيت نفس اسمه حرف جزم ونفي وقلب إنما الفرق بين لم ولما لم حينما تقول لم أفعل معناها ما فعلته وإذا قلت لما أفعل أي ما فعلته إلى الآن pas encore fait. طيب avant de commencer dans le ders 25 on avait dit quoi que on allait vite faire un petit rappel des signes qui permettent de différencier entre un verbe un nom et un harf particule donc le verbe plutôt le nom, il a des signes. Le verbe, il a des signes. Et le harf, il a des signes. Parmi les signes, on va commencer par le nom. Les signes du nom, l'ism, awalen, il accepte alif walam. Tu te rappelles bien. Vous voyez, parmi, si tu vois un mot et un alif walam devant, c'est un ism. Également, le ism, parmi ses alamat, ses signes, il accepte le tanouin. Comme kitabun. Vous voyez, si tu vois un tanouin ou kitaben ou kitabin, tu vois tanouin à la fin d'un mot, sache que ce mot, c'est un ism. Naam. On a dit quoi encore? Que le ism, il peut être majrour. Vous voyez, il peut être majrour, c'est-à-dire qu'il prend une kasra à la fin, la kasra du jar, ou ce qui remplace la kasra. Et aussi le ism, parmi ces signes, il y en a plein en fait, hein. Juste là, c'est quelques-uns, les plus connus, ce qu'il y a dans le Juroumiya. Parmi ces signes également, que... il y a trop la laï, harf jar. Il est devancé par le harf jar. Le harf jar, il rentre sur le ism. Il ne rentre pas sur le fi'l et il ne rentre pas sur le harf. Par exemple, si tu vois fi, ou an, ou ala, ou min, et après tu vois un mot derrière, ce mot-là, c'est quoi? Ça va être quoi? Un ism, automatiquement. Taïeb? Donc ça, c'est parmi les signes du ism. Il en a plein d'autres. Le fi'l, le verbe, parmi ces signes, dans le jumia, ils disent quoi, par exemple? Que dans le fil mardi, il y a code qui rentre devant. Code. Et, مثلا, code aflaha al-mu'minun. Les croyants, ça a déjà réussi. Et code, quand il rentre sur le fil mardi, c'est un. Quand il rentre sur le fil mardi, on avait dit quoi? C'est un harf tarkir, qui veut dire que la chose s'est produite. Ça se traduirait par déjà. Et s'il rentre sur un fil mudawali, il peut vouloir dire. Peut-être. Quand tu dis Kod Yakhruj el Mudarris ou l'en. Genre, il se peut que le Mudarris sorte maintenant. Il vient pour, avec le même sens que Mumkin ou Yumkin. Et également parmi les signes du verbe qu'il accepte Sin ou Saufa. Sin, Harf, Stigbel pour le futur. Ah, yo. Donc on disait Naam. Pour le verbe. Donc je dis, il prend signe ou saufa. طيب les verbes, les, ça c'est le huruf qui quoi qui permettent de mettre le verbe au futur. Par exemple, tu dis ça afhal, ça adhab, ça ou fait adhab, ça ou fait afhal. Donc ces deux huruf, le sin et le saufa, ne rentrent que sur le fial. Donc si tu vois ces deux lettres-là, qui ont dans un mot ce mot-là, sache que c'est un verbe. Également, le verbe, tu peux le connaître par quoi? Par le domir, mot tassil à la fin. Tu, ta, ti, tum, ainsi de suite. Quand tu vois ce domir-là qui est accroché à un mot, sache que ce mot-là, c'est un verbe. Et ils ont d'autres signes. D'ailleurs, ils ont d'autres signes. Ceux-là, c'est les plus connus. Également, le film Moudawalir, parmi ces signes, c'est qu'il commence par les huruf Moudawalira. Comme par exemple, Adhab, il commence par un Hamza. Ou Nadhab, il commence par un Nun. Ou Yadhab, il commence par un Ya. Ou Tadhab, il commence par un Te. Et le Harf, tout simplement, son signe, ce signe au Harf, c'est qu'il n'accepte pas les signes du ism, du nom, ni ceux du verbe. Il ne prend pas d'alif ou lem, ni code, ni harf ou jar, ni rien du tout. C'est ça en fait la différence qu'il y a entre eux. Inch'Allah, le sujet sera plus étendu dans le Juroumiya. Inch'Allah, si on le fera un jour. Bon, maintenant, on dit quoi? Donc, on va pouvoir faire, Inch'Allah, cet exercice-là. Le Ashir, du Ders Hadi Vashirin, il dit quoi? Ayin al-ism ou al-fi'l ou al-harf fima yali. Donc, désigne le nom et le verbe et le harf dans les phrases qui suivent. Donc, al-jumal oula, kharaja al-mudarrisu wa tullabu min al-fasli. Donc, vas-y, mot par mot, dis-moi quelle réception. Kharaja al-fi'l, n'am. Wa al-mudarrisu wa tullab. Et waouh, il est quoi waouh entre les deux? Waouh, wa harf. Harf, nam. Min. Min harf. Nam. Fasl. Ism. Ism, ahsant. Thanyen, sa adhabu il maktabati bad ders. Je vais aller à la bibliothèque après le cours. Sin. Nam. Harf. Nam. Adhabu. Fial ila. Harf. Maktaba. اسم بعد حرف نعم سان عطف لا سان كوا سان ظرف الظرف بتو الظرف الظرف سان كوا ظرف ما مكان لا لا سان ظرف زمن لا ما سقوا لا بعد دونك الظرف سان اسم الظروف اللي اسمها نعم نعم الدرس الدرس نعم نعم اسم ثالثا أفهمت الدرس يا علي نعم فهمته as-tu compris le cours ou Ali il dit oui je l'ai compris oui j'ai compris تفضل حرف الاستفهام نعم فهمت فعل درس اسم et le tout فهمت tout c'est quoi فهمت نعم c'est quoi tout ça حرف aussi attends فهمت ايوه في الفاعل سي كوا سي الضمير الضمير سي كوا الضمير سي كوا سي اسم اسم ايوه دونك تو سان اسم تو سان اسم طيب الضمير سي اسم نعم الدرس اسم نعم يا سا حرف نعم حرف نداء علي واسم نعم انعم حرف حرف نعم فهم فهم فعل وتو اسم اسم نعم ضمير et aussi un tambih c'est que malgré que on ait cité ces signes pour les ces mots là pour le ism ou le fi'l ou le harf ça veut pas dire que tu es obligé de trouver un de ces signes tu comprends ce que je veux dire par exemple tu peux voir un mot il regroupe pas les signes ou tu peux voir un mot il va regrouper plusieurs signes différents. Le fait que tu vois pas le signe ne veut pas dire que c'est pas. C'est, par exemple, le fait que tu vois pas un harf jar, ça veut pas dire que c'est pas un ism. Le fait que tu vois pas un signe devant un mot, ça veut pas dire que c'est pas un verbe. Ça, c'est des choses qui t'aident, mais c'est pas obligatoire qu'elles soient présentes. Mais souvent, tu les trouves. Souvent, tu les trouves. Par exemple, un ism, tu vas retrouver un lif ou un lem, ou un tanwin en général. À part peut-être un ism amnoum et sarf. Ou un mudaf. Mais sinon, tu vas trouver l'un des deux. Tu vois, tu vas trouver l'un des deux. نعم طيب رابعا لا تكتب بالقلم الأحمر نكري با ستيلو روج لا حرف تكتب فعل ب يعني با حرف قلم اسم والأحمر اسم. نعم. خامسا لم أغسل المناديل بالصابون. Je n'ai pas lavé les mouchoirs avec le savon. لم حرف أغسل فعل المناديل اسم بحرف صابون اسم. نعم. سادسا لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. Je n'irai pas dans mon pays lors des vacances d'été. لن حرف أذهب فعل إلى حرف بلد اسم. نعم. يا تكلم. نعم. اسم. نعم. في حرف عطلة اسم الصيف غير اسم. نعم. سابعا هو يبحث عن المفتاح. Il cherche la clé. هو اسم. نعم. يبحث فعل عن حرف مفتاح اسم. نعم. ثامنا ما عندي قلم ولا كتاب. Je n'ai pas de stylo ni de livre. ما حرف عندي عند عند يعني اسم. نعم ظرف. يا متكلم اسم أيضا. نعم. قلم اسم وحرف لا حرف كتاب اسم. نعم أحسنت. تاسعا أنا طالب. Je suis un élève. اسم اسم. نعم أنا اسم طالب اسم. يعطوا ماذا؟ طيب الآن ننتقل مباشرة إلى الدرس الثاني عشرين. Qui lui-même est une révision des علامات الإعراب في الفعل. طيب le رف comment on reconnaît dans le verbe, le نصب comment on reconnaît dans le verbe, et le جزم pareil. إن شاء الله يعني نقول. طيب إيدي أولا المضارع. نعم أولا كل حالة المضارع الثلاث. Donc là on va voir quoi, les trois situations dans la grammaire du verbe présent. أولا المضارع المرفوع. Le verbe présent lorsqu'il est marfou. Il dit quoi? Hamidun yadhhabu. Voyez? Donc là yadhhabu il est marfou. Et c'est quoi la preuve qu'il est marfou? C'est quoi son signe? Adamma. Yadhhabu. At-tulabu yadhhabuna. Voyez? Donc là yadhhabuna il est marfou. Pareil. Et il est où le signe de son raf? Wa alamat rafihi thubut an-nun. C'est le nun qui est à la fin. الواو لا يذهبون سوى الجماعة الفاعل. أمنة تذهب. تذهبون لمرفوع لكن لما. الطالبات يذهبنا. Donc là il est مرفوع. Cependant il est où son signe de رفع? On peut pas le voir pourquoi parce qu'il est ممني. On a dit lorsqu'un verbe il est accroché au domir نون نسوى il est ممني. C'est-à-dire que le signe de son إعراب n'apparaît pas. Donc en fait il est في محل comme on dit. Tu vois? On dit pas il est marfou, dit fimahal, raf. Fimahali, raf. En situation de raf. Donc maintenant, les mêmes verbes qu'on vient de prendre avec le nasb. Comment on va dire? Len, yadhaba. Donc len, c'est quoi? Harf nasb. Ou un nafi au stikbel. C'est-à-dire que le fi'l qui vient derrière, il est mansoub. Donc len, yadhaba. Yadhaba, il est mansoub à cause de len. Ou alamat au nasbihi, el fatha. Le signe de son nasb, c'est la fatha. Len, yadhabu. Et là-bas, c'est yadhabuna. Donc là, l'aine, il est rentré. Donc, yadhabu, il est mansoub par l'aine. Et le signe de son nasb, c'est quoi? Has noun, on a enlevé le noun. L'aine, tadhaba. Pareil, mansoub, ou alamatu nasbihi, al-fatha. L'aine, tadhabna, ou yadhabna. Donc là, il est quoi? Il est mebni, à cause du nouniswa. Donc, il est fi mahal nasb. Vous voyez, en situation de nasb. Ensuite, avec le jazm. Tu dis lem yadhhab. Donc lem c'est harf nafi jazm ou nafi wa qalb. Donc le fi qui vient derrière il est majzoum. Yadhhab il est majzoum à cause de lem. Wa alamat jazmihi as-sukun. Le signe de son jazm c'est la sukun. Lem yadhhabu. La clé il est majzoum par lem et le signe de son jazm c'est hasf an-nun comme nasb. Ils ont même signe tous les deux. On enlève le nun. Lem tadhhab. Donc là il est majzoum pareil et le signe de son jazm c'est le sukun. Lem yadhhabna. Donc là, yadhabna, il est même ni, il est fi mahal jazm. Voyez, en situation de jazm. Ça, ça apparaît pas. Ensuite, il dit, anta tadhabu. On revient au marfoua. Maintenant, c'est le mukhatab. Là, on a pris le ghaib. Maintenant, on prend le mukhatab. Anta tadhabu. Donc là, il est marfoua. Voyez, alamatu rafihi, dhamma. Antum tadhabuna. Marfoua. علامة رفعه ثبوت النون لنون. أنت تذهبين مرفوع وعلامة نصبه ورفعه ثبوت النون. أنتن تذهبن مبني في محل رفع. لن تذهب ليلى منصوب علامة نصبه الفتحة. لن تذهبوا منصوب وعلامة نصبه حذف النون ونلب النون. لن تذهبي منصوب وعلامة نصبه حذف النون. لن تذهبنا مبني في محل نصب. لم تذهب مجزوم علامة جزمه سكون. لم تذهبوا مجزوم علامة جزمه حذف النون. لم تذهبي مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. لم تذهبنا مجزوم في محل جزم. من المتكلم أنا أذهب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نحن نذهب مرفوع علامة نصبه رفعه الضمة. طيب لن أذهب ليلى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لن نذهب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لم أذهب مجزوم وعلامة جزمه السكون. لم نذهب مجزوم وعلامة جزمه السكون. Donc là, tu as vu les trois situations. À l'origine, dans un verbe, c'est que tant qu'il n'y a pas un harf al-nasr qui rentre ou un harf al-jazm qui rentre, c'est qu'il est marfoua. Vous voyez ? C'est l'origine. Vous voyez ? Walam nadhab majdoum walat jazmi al-sukun. T'as dit ma foum, Ada ? T'as dit, t'as dit, t'as dit, Ada ? On a coulé là, on a.